Les Poilus, de Sigolène Vinson et Yves Ramonet. Quatrième salle. Salon littéraire. Ta grosse cheminée dressée de vapeur et de cuivre. Ma poupe d'ivoire et de poils d'or battent l'écume. J'ai beau me concentrer, j'y comprends rien. Ta gueule, groin de cochon. Laisse-toi aller et prends ton pied. Je ne suis pas sûr que notre mère l'Église tolère ce genre de rassemblement. On en a besoin, mon père. À la différence de vous, nous ne sommes que des hommes. Allez, poète, partage les lettres de ta perdrix. Je pense à toi dans les tunnels humides et fangeux. À tes doigts dans les chairs ouvertes et roses. Et je serre les grains de mon chapelet comme s'ils étaient toi. Merde. Je bande. Et qui veut me décharger ? Seigneur Marie-Joseph, la nation est perdue. Je crains, mon capitaine, que de telles lectures vident nos soldats de leur sève. Enfin, si contre une telle infamie il tue du boche ce matin, l'Église fermera les yeux. Et les oreilles ? Prenez un peu de café, mon père. Je vous remettrai l'essence à l'endroit. Moi, je vais voir mes hommes. Alors comme ça, toi aussi, tu écris ? Et dans le poète ? Qui c'est encore celui-là ? J'ai trouvé à l'entrée de la tranchée. Tiens, j'ai rimé. Il dit s'appeler Frédéric Sauzère. Êtes-vous de la relève ? Oh non, non, non, je fais que passer. Je suis de la Légion étrangère et là j'y retourne. J'ai perdu mon cendrier dans une attaque et on m'a dit qu'ici on en réalisait des beaux avec des douilles alors. Caporal Desmorand dit groin de cochon, c'est lui l'artiste. Et vous savez, vu l'état de nos tranchées, vos mégots, vous les jetez par terre comme tout le monde. Ah ben c'est que j'ai la manie de garder mes cendres, moi. Je suis en plein cauchemar. Bon, allez le poète, on s'active, on s'active. Mais pas des feuilles en retard. Bon, il est un peu rude, mais il a l'air plutôt brave homme, votre capitaine. Le problème, c'est qu'il est hermétique à la métrique. Tiens, j'ai encore rimé. Ah, le voilà, groin de cochon, l'artiste que vous êtes venu rencontrer. Encore un autre qui ne comprend rien à la poésie. Poète, regarde un peu ce que j'ai trouvé en allant pisser. Un écrivain. Il est venu me commander un encrier. Écrivain ? Oh non, jamais de la vie, n'est-ce pas ? Je suis médecin et, n'est-ce pas, je ne fume pas, je ne bois pas. Enfin, n'est-ce pas, je viens des tranchées de Poelcapelle. Je suis le maréchal des logis Louis-Ferdinand des Touches. Un jour ou l'autre, n'est-ce pas, je partirai dans votre pays. Et voilà, et trois points. Mon pays, c'est la France, puisque je vais mourir pour elle. Ah, vous allez mourir ? Ah, bah, enfin, moi, je ne m'abaisserai jamais à ça, n'est-ce pas ? Ni à cette saloperie de guerre. Sinon, arrêtez de dire n'importe quoi, n'est-ce pas ? Votre pays, c'est le Cameroun. J'irai, là-bas. Et voilà, et trois points. Je te demande pardon, mais ça veut dire quoi, Evelan et trois points ? Eh bien, le style et la beauté du geste, n'est-ce pas ? Enfin, parce que je me pique quand même d'écrire. Mais seulement pour me payer un appartement, n'est-ce pas ? J'ai la hantise du terme. Ouais, ben moi, tu vois, le terme, c'est ce dont je m'inquiète le moins. Je suis toujours par mon et par vos. Je suis allé en Russie, aux États-Unis et jusqu'en Chine. Et vous y avez attrapé la fièvre ? Bah non, pourquoi l'attraper ? Parce que, n'est-ce pas, on n'écrit que parce que notre corps est... Enfin, si je désire tant partir pour le Cameroun, c'est pour y tomber malade. Et voilà. Ouais, t'as peut-être raison. Tout est corps et matière. Tiens, moi, si je perdais ma main droite, ben, j'écrirais de la gauche. Mon style et mon propos en seraient bouleversés. Écrire de la main gauche ? Je crois que je saurais pas. Groin de cochon, tu ne sais pas non plus écrire de la droite. Ah oui, c'est vrai, j'oubliais. Mais j'aimerais pourtant. Moi, je ne crois pas au corps. Toute ma poésie est éther et cerveau. Cerveau insignifiant. Éther, n'est-ce pas ? Pourquoi pas ? Je suis médecin. Mais enfin, sûr de rien, et blanc. Vous allez rester longtemps? J'aimerais bien approfondir notre discussion. Ah non, non, non, je ne fais que passer. Et toi, tu restes? Non, non, je repars aussi. Groin de cochon m'a remis ce que j'étais venu chercher. Le plus beau standard de ma confection. Cette littérature, ça n'est pas très catholique. Et puis ça affaiblit nos hommes, ça les attendrit. Vous en pensez quoi, Baron ? J'en pense que j'aime la tendresse. Et que ce légionnaire qui est venu nous chercher un cendrier avait de belles mains. Vive les écrivains et leur corps ! Moi, j'ai lu les élucubrations du maréchal des logis des Touches. Et c'est pas mal, hein, il a du style. D'ailleurs, j'ai noté une de ses phrases. Dans les Écritures, il est écrit « Au commencement était le verbe », non, « Au commencement était l'émotion ». Seigneur Marie-Joseph, la nation est perdue! Tout ça nous avance peut-être sur la relève de la littérature française, mais pas sur la nôtre. Toujours rien à l'horizon. Oui, eh bien, moi, je dis qu'un écrivain avec du style, c'est plus qu'un miracle. C'est sûr, il a du style. Mais je sais pas pourquoi ce des Touches. Je le sens pas. C'était Les Poilus de Sigolène Vinson et Yves Ramonet. Quatrième salle. Avec Olivier Clavry, Pierre-Jean Pagès, Didier Brice, Laurent Ferraro, Julien Alouf, Donatien Guillot, Laurent Lederer, Alain Fromager, Christophe Brault, Gabriel Dufay. Et Henri Alexandre, Julien Aluguet, Bertrand Farge, Léonard Paté et Mathias Simon. Bruitage, Bertrand Amiel. Conseillère littéraire, Céline Geoffroy. Équipe de réalisation, Éric Boisset, Jean du Cimetière, Vivien Demeyer, Jean-Mathieu Zang.